Ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Quand c'est fini, alors on danse. Chers auditeurs de la fausse patte, on est de retour à CKRL 89.1. Alors, on a parlé de la commission d'enquête sur la collusion dans le milieu de la construction, la commission Charbonneau, hein, qu'on pourrait l'appeler maintenant ainsi. On va parler maintenant de gaz de schiste, sujet qui est revenu à l'ordre du jour la semaine dernière. On est en ligne avec M. Fortier, vous êtes avec nous? M. Fortier? Oui. Bonjour, Monsieur Fortier. Voilà, je pense qu'on vous avait perdu. Ah oui, ben j'ai eu un appel sur l'autre ligne. Je me suis dit, moi, à prendre, mais j'ai fait ça vite. Mais madame avait de la jasette. Voilà, vous êtes sollicité beaucoup parce que, écoutez, rapidement, Catherine, tu peux nous introduire, grosso modo, qui est en fait le dossier. Puis oui, après... oui, mais en fait, depuis bon lundi matin, on a vu, il y a eu 50 de manifestants devant le Hilton à Montréal pour protester contre la conférence de l'Association pétrolière et gazière du Québec avec des pancartes qui disaient « Nous ne nous laisserons pas forer », que j'ai trouvé très joli. bon, donc, ils demandaient, entre autres, de vraies consultations, tout ça. Lucien Bouchard, le président, dont le salaire est payé par Talisman Energy, Énergie, une énergie pétrolière de l'Alberta, présidait ça devant 400 industriels qui voulaient voir cette filière-là se développer. En même temps que aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement venait de donner le feu vert à l'exploitation réglementée du gaz de schiste. Et au moment où de plus en plus de gens aux États-Unis sont en train de réaliser les troubles que ça cause, dont le fameux de la fameuse famille Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., qui était un grand défenseur de cette industrie-là et qui a fait volte-face en disant que les industriels ont combattu toute réglementation raisonnable avec une armée de lobbyistes et que l'Agence de protection de l'environnement a cédé aux pressions de l'industrie et qu'elle a bafoué le droit à l'information du public. Il est en train de se passer un peu la même chose au Québec. En fait, je sais pas s'il se passe la même chose, mais il y a un comité financé par le gouvernement qui s'appelle le comité d'évaluation environnementale stratégique, qui est en train de faire une évaluation environnementale stratégique. Ils sont dans leur deuxième phase. Et qui sont en train un peu, selon ce que sorti le Devoir il y a pas longtemps, de faire un peu une propagande pour l'industrie du gaz de schiste. Et là, on a avec nous Serge Fortier, qui est allé en Pennsylvanie pour voir comment ça se passait sur le terrain aux États-Unis, qui sont un peu en avance sur nous dans cette histoire-là. Alors, M. Fortier, pourquoi vous avez décidé d'aller là, puis qu'est-ce que vous y avez vu? Bien, pourquoi on a décidé d'aller là? C'est parce que nous, les citoyens qui ont décidé de se mettre au courant, comme faut, de ce qui nous pendait au bout du nez, depuis qu'on s'est rendu compte, il y a un an, un peu plus qu'un an, que l'industrie était déjà sur notre territoire, était déjà en train de forer, était déjà en train de fracturer sur notre territoire, alors qu'on n'était même pas au courant. Excusez-moi, sur votre territoire, vous êtes donc le comité interrégional du gaz de schiste, oui, de la vallée du Saint-Laurent. Vous êtes... Bon, c'est le territoire de la vallée du Saint-Laurent. Okay. Moi, personnellement, je suis dans le centre du Québec, dans la MRC de Bécancour. OK. C'est un lieu qui est très prisé par l'industrie. On a plusieurs puits, dont j'en ai un qui est à 6 km de chez nous. Et puis, que j'ai su qu'il était là à peine en octobre l'année passée, à peine un an. Là. Fait que vous les avez vus arriver dans votre cour? Pardon? Vous les avez vus arriver dans votre cour? Oui, bien, je ne les ai pas vus arriver dans ma cour. J'ai été obligé de... C'est en passant par là que j'ai vu que ça faisait déjà un an qu'ils travaillaient là et que le puits était déjà même fracturé. Là, toutes les opérations étaient faites. Alors, on a été mis devant le fait accompli. Et c'est quoi ça, le gaz de schiste? Ben beaucoup de citoyens, plutôt que de parler à travers leur chapeau, ben non, d'être inquiets pour rien, ont décidé d'aller aux sources puis d'essayer de voir un peu c'est quoi cette histoire-là qui est pour s'annonce pour envahir la vallée du Saint-Laurent. Alors, le voyage en Pennsylvanie est pour confirmer des inquiétudes et puis faire en même temps un peu comme un voyage dans le futur. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air, le Québec, si l'industrie du gaz de schiste s'installe ici? Alors, Pennsylvanie, ça fait peut-être 5 ans, là, dans ces années-là, à peu près, que ça commence à s'installer. Alors, c'est en pleine expansion. Et là, il y a des travaux partout, gazoduc, stations de compression, stations d'épuration, des puits, des cours d'entreposage, des carrières aussi qui sont en train de manger les flancs des montagnes pour avoir de la roche pour faire les constructions. Alors, on est allé constater sur place, bon, les effets sur l'environnement, sur le paysage, des effets aussi, le côté noir aussi, des impacts sur la population et sur les individus qui habitent aux alentours de ça. Puis qu'est-ce que vous avez découvert dans votre voyage? Ben, on a découvert justement le côté sombre. On a eu de l'information par des spécialistes et des chercheurs puis médecins de l'Université de Cornell, qui nous ont renseigné sur ce qui se passe actuellement, les différentes maladies qui sont apparues et les problèmes de santé pour les gens qui sont aux alentours des l'exploitation, les puits d'exploitation, puis tout ça, au niveau de l'air qui est vicié, qui empoisonne les poumons ou d'autres choses, et aussi de l'eau potable. On a constaté des gens qui n'ont plus d'eau potable, leur puits est contaminé, la nappe phréatique est contaminée, alors ils se retrouvent plus d'eau potable, des fermes, pas d'eau, ça, oublie ça, ils ont été obligés de vendre leurs troupeaux. Ça, c'est si invendable. Donc, on a constaté des catastrophes humaines, des drames humains qui se vivent là-bas, et on a côtoyé ces gens-là, veut pas. On a aussi constaté une augmentation du coût de la vie dans les villes ou les endroits où est-ce que les gazières ou la main-d'œuvre des gazières s'installe, parce qu'eux ont des gros salaires et finalement, les loyers triplent de valeur. Les repas au restaurant, tu manges une sandwich avec un petit verre de limonade puis une petite soupe d'un plat de styrofoam, ça te coûte 17$ américains. On l'a vécu, ça, nous autres, là, on l'a payé. Là. Quelqu'un qui travaille dans un dépanneur, il n'a pas eu d'augmentation de salaire, lui-là. Là. Alors, le coût de la vie, là, il est très... c'est pervers là, par rapport pour la population en général. L'intensité du camionnage, on était là les fins de semaine. Et, la fin de semaine, c'est un samedi et dans des villes, c'était bourré de camions, c'était un en arrière de l'autre là régulièrement. Endroits où il y avait préalablement pas grand-chose sur les routes. Ben, c'était des petits villages, des petites villes tranquilles comme on connaît, surtout les fins de semaine, des autos les fins de semaine, puis pas du camion lourd. Alors, la poussière partout dans les rues, évidemment, aussi, parce que ce camionnage-là, il arrive des terres, hein, il circule sur des chemins de terre, eux autres, là, pour aller au puits, dans les champs et dans les montagnes. Ça fait que, veux, veux pas, quand ils arrivent en ville avec les roues pleines de boîtes, tout ça, veux, veux pas, la poussière lève, et puis, tu sais, c'est vraiment... C'est un changement carré de paysage, puis il faut le voir pour le croire. Là. Alors moi, j'invite tous les gens à s'organiser un voyage et puis on fournira des endroits. Parce que c'est tous nos élus d'ailleurs devraient y aller pour être plus en mesure de juger de ce qui nous pend au bout du nez. Mais beau, juste avant de passer aux élus, M. Fortier, vous disiez qu'il y avait, il y a aussi, j'ai lu là, vous avez fait un article très intéressant dans le Devoir, vous disiez qu'il y avait même des propriétés qui avaient énormément baissé de valeur à cause de l'industrie qui était passée là. Est-ce que les gens, par exemple, une dame a vu la valeur de sa propriété passer de 169 000 $ à 9 000 $ parce que l'eau souterraine autour de sa maison était devenue contaminée, puis que là, fallait qu'elle paye 2 400 $ par an pour être approvisionnée en eau. Ouais, est-ce que ces gens-là, puis aussi après l'eau qui est contaminée est traitée par les infrastructures publiques. Donc il y a un coût public puis il y a un coût aussi des personnes. Est-ce que l'industrie leur donnait une espèce de compensation? Est-ce que l'industrie essayait de fournir quelque chose en échange ou ils s'en foutent complètement? Ben nous ce qu'on a eu comme information des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de parler, de dénoncer ce qu'ils vivent, puis par contre, il y a d'autres gens qui se taisent. Alors, il y a de l'omerta qui se passe là-bas. Et pour les gens qui ont décidé de parler, ils nous ont laissé savoir qu'ils se sont fait offrir d'être fournis en eau par les gazières, mais en autant que s'il y a une entente de confidentialité, dans le sens que, garde, dites pas que vous avez des problèmes d'eau, puis on va vous en fournir gratuitement. mais ceux qui signaient pas, ben eux autres sont pognés pour s'approvisionner eux-mêmes. Alors, c'est là que vient le coût là, que cette madame-là devait payer. Alors, cette madame-là, avec une maison qui en valait 160 000, 169 000, puis que peut-être elle a encore une hypothèque à payer dessus, puis que demain matin, elle la vendrait juste 9 000, ça veut dire qu'elle paye une hypothèque sur une maison qui ne vaut plus rien. Elle garoche son argent par les fenêtres pour finir de payer une maison qui n'a plus de valeur. Et ce n'est pas la seule. On en a vu plusieurs. Il y a même un ex-maire de Dish au Texas. Au Texas, ça fait 10 ans que l'industrie est installée là. Et lui dit que sa maison avait perdu 75 % de sa valeur. Et quand il a vendu la maison, il a mis une clause spéciale. Il a dit au nouveau propriétaire, l'éventuel propriétaire, il a dit, je te vends ma maison en autant que tu aies vu le film Gasland. Hein? Puis si tu as vu le, si tu qu'est-ce que ça raconte ce film-là, Gasland? Ce film-là, Gasland, justement, c'est ça qui a fait allumer le monde là, sur les problématiques que vit l'État de la Pennsylvanie, puis le Texas, puis partout dans. C'est un type qui s'appelle Joss Fox qui s'est vu offrir. Un montant d'argent par des gazières qui viendraient y planter des puits chez eux, mais il trouvait ça louche un peu, il a décidé d'enquêter un peu, il s'est rendu compte des dessous de tout ça et puis des risques qu'il courait de louer sa terre aux gazières. Alors lui, ce qu'il comptait, c'était de sauver l'eau potable. Il a toujours vécu sur le bord d'une rivière et ça lui tenait à cœur. Fait que le film Gasland a fait le tour du monde, puis il est très contesté par l'industrie parce qu'en quelque part, il le rentre dans le corps, il fait voir le côté noir de cette industrie-là. Là. Puis il faut le voir, ce côté-là. Tu sais, je veux dire, c'est des risques qu'on court. Alors, les connaître, ces risques-là. Monsieur Fortier, justement, vous parlez de risques que l'on court. Là, on parle d'un portrait en Pennsylvanie qui est, ma foi, terrible de ce que vous nous dites. Maintenant, ici au Québec, concrètement, est-ce que vous avez un exemple ou plusieurs exemples de ce que ça pourrait avoir comme répercussion directe? C'est-à-dire que oui, nous, on peut observer que ça peut nous toucher également, ce que vous nous dites, mais en quoi ça va se manifester ici sur le territoire québécois? Est-ce que vous avez des exemples assez significatifs? Ben on peut pas dire que ça serait différent ici au Québec. On n'a pas d'exemple qui va nous dire que ça va être différent de la Pennsylvanie quand l'industrie va s'installer. Pourquoi les techniques seraient différentes ici? Là, on prétend que les lois, les réglementations seront pas pareilles, mais sauf qu'actuellement, Ce qu'on sait, c'est que notre gouvernement laisse l'industrie continuer à vouloir faire des forages puis de la fracturation hydraulique alors qu'il n'y a pas d'encadrement encore ou de législation qui va en, dans ce sens-là. On n'a qu'à penser à la loi des mines qui est loin d'être changée encore. Là. Ouais. Alors, ça, fait pour nous, en quelque part, est-ce que l'industrie va faire différemment de ce qu'elle a toujours fait, ce qu'elle a toujours eu l'habitude de faire un peu partout, et ça, en venant dans une région fortement habitée, qui est la vallée du Saint-Laurent. Nous autres, on n'a pas la preuve de ça. On a plutôt la preuve, actuellement, sur le terrain. Les 31 puits ont été forés au Québec par l'industrie, à notre insu. À notre insu. Il y en a 19 qui fuient. À notre insu, là. À notre insu. Voilà. Et puis, il y en a 19 qui fuient. Bon, ils ont beau dire, c'est pas des fuites, c'est des émanations, c'est normal. Ben, eux, c'est normal de polluer. Ils ont toujours fait ça, on dirait, là, tu sais. Ça fait que la qualité, là, c'est très relatif. Mais il y a des puits, par exemple, qui sont extrêmement problématiques, là, quand on pense au puits de la présentation, qui fuit sans contrôle, là, à 45 mètres autour du tuyau de forage. Ils ont carrément perdu le contrôle, puis ces ballons-là qui sortent de terre, ils passent à travers la nappe phréatique. Alors, qu'est-ce qui va en être de la nappe phréatique à la présentation dans le bout de Saint-Hyacinthe? On n'en sait rien. Ça, c'est un beau cadeau, là, qu'on... C'est quoi la surprise qu'il y a au bout de ça, là? On ne le sait pas. Alors, est-ce qu'on veut vivre sur une... Sur, comment je dirais ça? Donc, sur le risque, en fait, sans savoir ce qui va s'en venir avec ça. Exactement. On n'a aucune garantie que ça n'arrivera pas au Québec, cela, des contaminations de nappes phréatiques. On a plutôt la preuve que oui, ça peut arriver. La preuve, c'est qu'ils ont commencé, puis ils ont manqué le coup. Mais qui, M. Fortier, a donné la permission à ces compagnies gazières-là de s'installer au Québec et de forer sans demander la permission? Ben, c'est notre gouvernement. Je sais que Lucien Bouchard, lui, a privatisé les compagnies gazières, parce qu'il y avait Gaz Québec à l'époque, il a privatisé Gaz Québec. Et donc, c'est le gouvernement qui a dit oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Il y a toute une histoire en arrière de ça, puis là, on va commencer à chercher les sorcières. La démarche, ou la pente. Machiavélique qui est en arrière de tout ça, parce qu'en quelque part, c'est quasiment machiavélique, cette histoire-là, ça n'a pas d'allure. Mais on dirait que c'est un arsenal de faits et gestes qui amène à vouloir explorer, à vouloir instaurer le gaz de schiste au Québec. Il était question en escousse des centrales de cogénération. Vous savez, il y en avait eu plusieurs, dont le Suroît qui a été barré. Finalement, ils ont pu en obtenir juste une, c'était à Bécancour. Mais elle ne fonctionne même pas. Mais des usines de cogénération, ça marche avec du gaz naturel. Fait que l'idée, c'était d'instaurer un besoin pour, après ça, justifier de bâtir des ports méthaniers comme Kakuna puis Rabaska. Ouais. Hein? Mais faire le gaz de schiste pour, après ça, l'exporter grâce aux ports méthaniers pour l'envoyer ailleurs, parce qu'actuellement, aux États-Unis, c'est ça qui se passe, ça s'en va ailleurs. Oui, c'est une question qui se pose, en effet. Mais moi, je voudrais savoir, avant que vous nous quittiez, donc, quelle confiance est-ce que vous accordez dans les comités d'évaluation environnementale stratégique qui sont en train de faire des études dans le Golfe, dans l'estuaire, tout ça, pour expliquer aux gens, puis pour avoir leur idée sur si c'est bon ou si c'est pas bon. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est complètement orienté là-dedans, puis que son idée est déjà faite pour l'industrie du gaz de schiste, ou vous pensez qu'on a des chances que ça soit pas trop corrompu? Ben écoutez, nous les comités de citoyens, avec toutes les démarches et les cris d'alarme qu'on a lancés depuis le début dans le dossier, et le peu d'écoute ou le pas d'écoute pantoute qu'on a eu de notre gouvernement, on n'a pas confiance. Et d'ailleurs, l'EES, la composition de l'EES, on le considère comme inadéquate. Le LES, c'est le comité d'évaluation environnementale stratégique, juste pour nos auditeurs. On fait un raccourci, là, parce que c'est très long à dire. Oui, oui. Et puis, on a fait une demande très claire à les citoyens, qu'il y ait un responsable des groupes citoyens qui vivent sur le terrain, qui soit capable de donner leur avis là-dedans, et aussi un responsable des groupes écologistes. Les groupes écologistes ont fait la demande aussi d'avoir un responsable. Et jamais le gouvernement a acquiescé dans ce sens-là, comme pour garder que les gens qui ont décidé de mettre dessus. Et les compagnies sont là-dessus, eux autres, par exemple. Alors, ils sont jugés partis dans les ES, mais la version inverse, ou en ceux qui pourraient représenter une opposition au développement... Il n'y a personne de ça dans les ES. Il n'y a personne de ça dessus le comité, en tout cas, pas à notre demande, au niveau des recommandations qu'on a fait, là, en tant que citoyen ou en tant que groupe écologiste. Là. Fait que ça, c'est une preuve qu'en quelque part, on n'a pas d'écoute. Alors, ce qu'ils veulent, c'est de... Il n'y a même pas, d'ailleurs, aussi, c'est que ce qu'on a demandé, c'est de faire une étude sur la pertinence de développer le gaz de schiste versus de haute énergie. Oui, oui, ou avant même de dire, regardez, c'est bien ou c'est pas bien, avant même, est-ce qu'on en a besoin? C'est vrai que c'est une question importante. Ben, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que d'autres pays qui le développent qu'on est obligé de faire pareil. On peut-tu, à un moment donné, arrêter d'être des suiveux, nous autres, au Québec? On peut-tu être innovateurs? Oui, on a de la créativité au bout, mais on s'en sert pas. On l'étouffe à la place pour continuer avec des projets d'hydrocarbures non durables. T'sais. Qu'on n'est pas trop sûr qu'ils vont nous rapporter tant que ça à nous non plus. Bon, ben justement, aussi en plus de ça, alors c'est quoi les bienfaits du gaz de schiste actuellement pour le peuple québécois quand que le gouvernement a cédé les claims à 10 cents l'hectare aux compagnies? Alors qu'ailleurs dans le monde, c'est juste qu'elle peut aller jusqu'à 500 $ l'hectare en passant, ça, je le dis. Ouais, c'est ça, ça peut aller pas mal plus haut. Et puis comment ça se fait que ce n'est que les gazières qui ont claimé l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent, alors que ça, les claims, normalement, quand c'est offert à juste un type d'entreprise, ben ça s'est tout fait sans qu'on le sache trop. Et puis, c'est ça qui est... Déjà, au départ, c'est mal foutu, là, au niveau de l'acceptabilité sociale. Non, mais je pense qu'on a besoin, au Québec, de chiens de garde comme l'organisation sur laquelle vous êtes, là. Il faut être prudent. C'est une question de prudence, hein, le principe de précaution. Quand on connaît pas quelque chose et puis qu'il y a des risques, ben on s'arrange pour les connaître comme faut, puis... s'assurer que ça va être fait correctement. Et actuellement, il n'y a rien qui nous prouve que ça va être fait correctement, surtout dans les mois qui s'en viennent, alors que l'industrie veut encore s'annonce pour faire de la fracturation hydraulique au printemps 2012 dans notre secteur. Regardez, dans quelques mois d'ici, là, ça sera pas tout réglé, ça, la réglementation sera pas adéquate, les études des nappes phréatiques seront pas terminées. Tu sais, je veux dire, c'est impossible que les études soient faites sur la santé publique aussi. Vous savez, c'est pas nous autres qui avancent tout ça, c'est le BAP. Le BAP, l'étude que le gouvernement a demandé, le Bureau d'audience publique en environnement, c'est ils ont fait un rapport qui dit qu'ils n'ont pas de réponse au niveau de la santé publique, ils n'ont pas de réponse au niveau de l'environnement, au niveau de la nuisance, au niveau de plein d'affaires. Alors, on va se lancer là-dedans à corps perdu, là, comme si c'était une mine d'or qui nous tombe sur la tête. Wow. Moi, souvent, je donne là, je m'en vais justement donner une soirée d'information citoyenne et puis je commence ma soirée avec un champignon. J'amène un champignon que j'ai récolté dehors. Je sais même pas s'il est bon ou pas. Mais j'offre 50 piastres à quelqu'un s'il veut le manger à soir, là. Facile de faire de l'argent, là. Tu sais, regarde, t'as 50 piastres, t'as rien qu'à manger ça. Toi, tu vas-tu le manger? Il n'y a pas personne qui veut le manger. Tu sais, c'est pas l'argent qui est force à manger le champignon, même s'il y a de l'argent au bout. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas le champignon. Il est-tu poison? Il est-tu pas poison? Ben, il me semble que le gaz de schiste, c'est la même affaire. On nous fait miroiter de la grosse argent, là, qui est même pas sûr, en plus de ça. Mais il faudrait avaler ça tout rond, là, sans se poser la question s'il y a des impacts environnementaux, puis sociaux, puis au niveau de la santé. C'est comme complètement aberrant, ce dossier-là. Et il me semble qu'à un moment donné, il va falloir que le peuple québécois se rende compte du gros bon sens là-dedans et qu'il se prononce à dire non, wow, les nerfs, là. C'est pas les compagnies qui mènent ici, me semble, dans la démocratie. C'est supposé être les citoyens via le gouvernement qui les représente. Mais actuellement, on peut même pas compter dessus parce qu'il se fait promoteur du gaz actuellement. C'est ça. Ben, le lobby citoyen, il faut qu'il soit capable de se reprendre en main aussi, puis de reprendre ses acquis puis ses droits. Oui, et ça, on n'est pas habitué de se mobiliser rapidement au Québec. Et ça, c'est notre plus grosse tâche, c'est d'arriver à faire sortir les gens de leur salon, puis qu'ils se prononcent. Mais là, il y a des gestes qui s'en viennent, là, qui vont permettre de montrer qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale actuellement au Québec pour le gaz de schiste, et puis que les compagnies qui arrêtent de niaiser ici, là, puis qui fassent autre chose, qu'on crée d'autres choses à la place, et puis... qu'on nous amène des projets sensés. Nous autres, les citoyens, on n'est pas contre tout, contrairement à ce qu'ils laissent prétendre. On est contre le gaz de schiste parce qu'on est pour d'autres choses de plus intéressant. Et parce qu'on sait qu'il pourrait avoir autre chose de plus intéressant. On n'est pas des gens fermés, les gens qui militent actuellement contre le gaz de schiste. On le fait pas par plaisir à part de ça, parce que moi, je vous jure qu'à quelque part, j'ai mis tellement de temps là-dedans que j'en ai négligé ma propre job, là. On n'est pas payé pour le faire. Donc, qu'est-ce qui nous motive à protester comme ça? C'est des valeurs profondes, c'est des craintes pour nos enfants, c'est de l'inquiétude pour l'avenir de notre environnement. C'est ça qui nous motive. C'est pas le cash. Alors, il s'agit de voir là les motivations du camp des citoyens versus les motivations de l'industrie. Puis le calcul n'est pas dur à faire, là. Quelque part, là. Ça fait que... Monsieur Fortier, il faut que les gens s'en rendent compte. Monsieur Fortier, vous m'aviez demandé de vous arrêter à 5h moins 5. Il est maintenant 5h pile, presque. Ouais. Alors, c'est un témoignage formidable. Votre combat vraiment est très noble. Bravo à vous et à vos comparses de votre organisme. C'est exceptionnel. Merci beaucoup de votre intervention. Ça fait plaisir. Alors, bonne soirée citoyenne ce soir. L'exemple du champignon